Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente Gérald Derel, un auteur naturaliste so British qui, face à la disparition de la biodiversité, s'est mis en tête de mettre les espèces menacées sous verre. Pionnier novateur, on lui doit une réorientation à 180 degrés de l'éthique des parcs zoologiques et des projets de conservation qui ont sauvé de l'extinction des grenouilles, salamandres, canards et autres pigeons dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Dans l'interview, j'ai la chance de retrouver le dessinateur belge Franck P pour la deuxième partie de notre entretien. Co-créateur des séries de bandes dessinées Broussailles et Zoo, il a réinterprété les aventures de Spirou et celles du Marsupilami. Il évoque aussi avec nous aujourd'hui un projet qui lui tient à cœur depuis des dizaines d'années, l'Animalium. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Quand il dure trop longtemps, ou quand il s'invite là où il n'est pas convié, le silence se révèle très rapidement angoissant. Je ne vous apprends rien, la biodiversité de notre planète s'effondre, et le silence gagne du terrain sur les envolées mélodiques du vivant. Animaux, plantes et micro-organismes disparaissent à un rythme alarmant. La faute à notre productivisme débridé qui nous fait exploiter, monopoliser, transformer, voire éradiquer les espaces que nous devrions partager avec eux. Malheureusement, ce n'est pas un constat nouveau. En 1962, il y a donc tout juste 60 ans, la biologiste Rachel Carlson tirait déjà la sirène d'alarme. Elle évoquait dans son livre « Le printemps silencieux » les effets dévastateurs des pesticides sur les insectes et les oiseaux, des ravages auxquels nous sommes toujours confrontés aujourd'hui. Son livre a rencontré un succès tel, plus de 2 millions d'exemplaires vendus, qu'il semble intimement lié à l'interdiction de l'utilisation du DDT en 1972. Bon marché et diablement efficace contre les insectes de toutes sortes, ce dichlorodiphényltrichloroéthane était épandu très largement dès la fin du 19e siècle et l'on sait à présent qu'il persiste des années durant dans l'environnement, que ce soit dans le sol, mais aussi dans le lait maternel. Ambiance. Ce constat alarmant de la disparition à vitesse grand V d'espèces animales et végétales plongerait n'importe qui dans les abysses du désespoir, roulé en boule, en PLS. Pour d'autres, au contraire, c'est le signal pour entreprendre des actions, pour renverser la vapeur. C'est en tout cas comme ça qu'a réagi le naturaliste britannique Gérald Derel, qui est immensément connu outre-Manche, mais beaucoup moins par chez nous. Né en Inde en 1925, Gérald fait partie de la famille Derel, constituée de 4 enfants, Laurence, Leslie, Margot et Gérald, alias Jerry, qui est donc le plus jeune de la fratrie. Après le décès de son époux, la mère de Gérald choisit de déménager avec ses enfants sur l'île grecque de Corfou. Accompagnée par le scientifique Théodore Stéphanides, un ami de la famille qui devient son mentor, le jeune Jerry se passionne pour tout ce qui vit sur l'île et ses récits autobiographiques, humoristiques et fantaisistes, traduits sous le nom de la trilogie de Corfou, deviendront des best-sellers à leur publication en 1956. Ses aventures grecques colorées sont même adaptées en série en 2016 pour la télévision britannique. C'est dire. Lorsqu'il revient en Angleterre en 1939, Gérald cherche un emploi et, après une formation de soigneur animalier, il décide de rejoindre dès 1947 des expéditions qui capturent des espèces animales rares et exotiques pour fournir les parcs zoologiques qui sont très demandeurs. Autre temps, autre mœurs. Il est maintenant tout à fait interdit de collecter des animaux dans leur milieu pour en faire commerce ou pour les placer en captivité dans les zoos d'Europe. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la CITES, également appelée Convention de Washington, adoptée en 1973 et mise en application en 1975, pose un cadre légal clair et intransigeant sur ces pratiques. Gérald Derel prend part à plusieurs de ses expéditions, au Cameroun, mais aussi au Guyana et au Paraguay. Mais il ne s'intéresse pas particulièrement aux espèces emblématiques et imposantes que recherchent avidement les riches collectionneurs. Il préfère les oiseaux discrets, les petits lézards et les grenouilles exotiques, aux félins et aux grands singes. Aussi, il réalise rapidement au fil de ses voyages combien certaines espèces sont dorénavant en danger d'extinction. Peu fortuné, il se met à écrire des livres avec lesquels il raconte ses expéditions et la fascination qu'exercent sur lui les espèces animales qu'il croise, avec un humour tout à fait britannique. Son premier livre, The Overloaded Ark, l'arche surchargée, qui raconte son expédition au Cameroun en 1947, paraît en 1953 et devient un hit. La trilogie de Corfou, évoquée précédemment, confirme son statut d'auteur et lui confère une reconnaissance publique et financière à l'international. Grâce à ses revenus inespérés, Gérald se lance dans ce qui deviendra un projet pionnier, son propre parc zoologique sur l'île de Jersey. Le parc ouvre ses portes en 1959 et héberge les animaux qu'il a ramenés d'expédition. Très rapidement, une vision s'impose à lui. Les zoos ne peuvent pas se contenter de distraire les badauds par des balades exotiques bâties de toutes pièces. Ils ont, selon lui, un vrai rôle à jouer dans une discipline scientifique qui reste encore à inventer, la conservation des espèces. En élevant des animaux menacés en captivité, le zoo de Jersey se propose de jouer le rôle de pouponnière, d'incubateur. Son but principal n'est pas d'enchanter le visiteur, mais de faire se reproduire ses pensionnaires. Et ce n'est pas toujours une mince affaire. Les membres du couple doivent se plaire, et certains animaux ne daignent s'accoupler que si toutes les conditions sont remplies. Et s'il faut recréer une pluie tropicale minutée ou des senteurs érotisantes, l'équipe du zoo de Jersey s'y emploie. Leur objectif ? Réintégrer à terme ces nouveaux pensionnaires nés au zoo dans l'écosystème dont ils sont originaires. Pour mener à bien cette mission, Gérald Derrell crée en 1963 le Jersey Protection Trust, aujourd'hui dénommé Derrell Conservation Trust, une association caritative dont le logo arbore un fier dodo. L'association continue encore aujourd'hui à récolter des fonds et à mobiliser les troupes, lors notamment d'un événement sportif appelé le Derrell Challenge qui a lieu cette année, le 22 mai. Le circuit de 13 km traverse l'île de Jersey sur sa largeur et tout le monde peut y participer en courant à son rythme. L'événement a pour parrain l'acteur Henry Cavill, interprète de Geralt de Rive et de Superman, excusez du peu, pour prêter ses biscottos à la cause des animaux. Si le défi vous tente et que vous ne prévoyez pas d'aller faire un tour à Jersey, sachez que vous pouvez vous inscrire et participer virtuellement à la course de l'endroit où vous vivez. Il vous suffit de parcourir une distance équivalente et d'envoyer votre parcours de course aux organisateurs. Aux zoos de Jersey, vous l'aurez compris, on se contente sur des espèces discrètes. Pas les plus charismatiques, ni les plus spectaculaires, mais celles dont les effectifs sont en chute libre. Des animaux qui, bien souvent, sont endémiques d'une île donnée ou d'une forêt cernée par les tractopelles et dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Derrell a notamment hébergé au début de son zoo des hokis blancs, des faisans à l'œil cerné de rouge que l'on ne trouve que dans certaines zones reculées du Tibet et de la Chine. On peut aussi y retrouver aujourd'hui le sanglier nain, originaire de l'Himalaya, qui ne dépasse pas les 30 cm de haut, le fuligule de Madagascar, un canard déclaré éteint dans la nature et que l'on a redécouvert en 2009, mais aussi le pigeon rose de l'île Maurice, ou encore, plus proche de nous, le crabe à bec rouge, un oiseau de la famille des corbeaux qui a lentement disparu de nos falaises. Certains de ces pensionnaires sont en soins intensifs. C'est par exemple le cas de la grenouille de Montserrat, également appelée en anglais « mountain chicken », le poulet des montagnes. C'est un amphibien aux proportions dantesques, 20 cm de long pour un poids d'un kilo, que l'on ne trouve plus désormais que sur l'île de la Dominique et à Montserrat, dans les Caraïbes. Largement chassé pour ses cuisses au goût de volaille qui lui ont valu son nom, la grenouille a failli disparaître brutalement. Il faut dire que notre bestiole a dû faire face au cyclone Hugo de 1989, à une éruption volcanique à Montserrat en 1995, et à l'apparition d'une maladie mortelle appelée chytridiomycose au début des années 2000. Résultat des courses, en 2009, 80% des individus restants avaient été rayés de la carte, et en 2011, seules deux grenouilles avaient été retrouvées à Montserrat. 50 individus sont finalement retrouvés et évacués en urgence vers Jersey et la Suède. Là, grâce à l'élevage ex situ, en captivité donc, la population sauvage estimée à moins de 50 individus en 2014 est désormais estimée à 200. Cette vision originale et ce travail d'élevage d'animaux rares en zoo dans le but de repeupler les milieux dont ils sont originaires inspirent des parcs animaliers voisins qui se joignent au projet de Gérald Derrell, comme le zoo de Londres, celui de Chester ou encore celui d'Édimbourg, en Écosse. Plusieurs programmes qui sont le fruit de collaborations entre plusieurs parcs voient le jour et s'évertuent à changer les choses. L'un de ces projets, mené en grande partie par le zoo d'Édimbourg depuis 1984, vise à remettre sur pied une population d'animaux que l'on n'imagine pas voir dans un zoo. Des escargots. On trouve sur plusieurs îles du Pacifique, comme l'archipel de la Société, Bora Bora, Moorea et Tahiti, une famille d'escargots endémiques de ces lieux, les Partulidés. Cette famille contient plus de 120 espèces de ces petites bêtes à cornes qui font partie intégrante de la culture polynésienne, car leur coquille est très utilisée pour la confection de bijoux traditionnels appelés lei. Tout se passait bien pour nos charmants gastéropodes qui s'égayaient dans les arbres jusqu'à ce que les humains jouent encore une fois aux apprentis sorciers. En 1967, ils introduisent l'escargot géant africain pour être consommé pour sa viande par les humains. Mais certains escargots géants s'échappent, attaquent les cultures et se reproduisent comme des lapins. Pour éradiquer l'importun, ils ramènent 10 ans plus tard un autre escargot prédateur venu de Floride cette fois, Euglandina rosae, l'escargot cannibale selon son nom anglais. Vous voyez venir, ça ne va pas bien se passer. Notre escargot carnivore se met donc à la tâche, mais ne se contente pas de chasser l'escargot géant africain qu'on lui a réservé. Ce serait trop simple. Il décime très rapidement nos petits escargots polynésiens qui sont alors sur le point de disparaître. Plusieurs missions de recensement sur l'archipel de la Société notamment ne découvrent que des coquilles vides de leurs habitants. On sonne l'alarme. Trevor Coot et Eric Loew publient en 2003 dans le journal Onyx un constat glaçant. 56 espèces sur les 61 que l'on trouve dans les îles polynésiennes sont déclarées éteintes dans leur milieu naturel. 15 de ces espèces n'existent plus que dans des vivariums en captivité. En 2018, ce sont 2000 escargots élevés dans le zoo écossais qui sont réintroduits sur leur île. Les animaux sont installés dans des pots, estampillés avec le nom de leur espèce, disposés sur les meilleurs arbres possibles. Une tache de couleur est peinte sur leur coquille pour reconnaître l'année de leur relâché et on les suit de près. Longue vie aux escargots. En France, certains parcs zoologiques inspirés par la vision de Gérald Deurel suivent ses pas. C'est par exemple le cas du bioparc de Douai-la-Fontaine, du parc zoologique et botanique de Mulhouse, de la réserve zoologique de Calviac, près de Sarlat, ou encore du parc Zoodyssée, situé non loin de Chizé, dans le Poitou. Tous mettent en place des programmes européens d'élevage appelés EEP, où les animaux gardés en captivité sont suivis et leur patrimoine génétique examiné à la loupe. Alors que certains de ces programmes concentrent leurs efforts sur des espèces lointaines, comme le lémur aux yeux turquoise de Madagascar, le cerf du prince Alfred des Philippines, ou encore l'ours à lunettes et le hare hyacinthe originaire d'Amérique du Sud, d'autres se mobilisent pour la faune locale. À Zoodyssée, un parc principalement focalisé sur les animaux européens, on mise sur les visons d'Europe, les tortues cistudes et les outardes canepetières, des animaux bien de chez nous qui disparaissent pourtant de nos campagnes. Ces élevages sont souvent cachés du grand public, pour le confort et l'intimité de leurs pensionnaires. Les soigneurs et soigneuses prennent également toutes les précautions pour ne pas imprégner les animaux qui doivent rester indépendants des humains en cas de relâché. Dans le parc de Zoodyssée, 4 bébés visons ont vu le jour en 2019 et 70 outardes sont nés dans leur élevage. 25 jeunes oiseaux ont même été relâchés en 2018. Ces résultats, même s'ils sont encore à petite échelle, sont encourageants. Il est rassurant de savoir que certaines espèces, sur le point de disparaître, vivent bien au chaud dans certains zoos. Mais est-ce que tout cela n'est pas illusoire, voué à l'échec? Ces arches de Noé précaires ont-elles une réelle utilité autre que celle de nous déculpabiliser? Tous les acteurs impliqués dans ces projets tombent invariablement d'accord sur le même point. Sans milieu naturel en bonne santé pour relâcher ces animaux élevés en zoo, leurs efforts sont réduits à néant. La conservation des espèces ne peut se faire qu'avec les acteurs locaux. Si l'on veut aider la faune et la flore, il faut avant tout venir en aide aux gens qui vivent sur ces territoires. Alors oui, il est facile de juger de notre canapé la culture sur brûlis ou la pollution au mercure des cours d'eau quand notre survie à nous ne pèse pas dans la balance. Le quotidien de ces habitants qui vivent dans des pays rongés par la pauvreté et la corruption est bien différent. C'est pourquoi les parcs d'aujourd'hui qui sont impliqués dans des actions de conservation reversent une partie de leurs bénéfices à des associations qui agissent sur le terrain, main dans la main avec les gens qui y vivent. On ne peut sauver les autres animaux si on ne prend pas soin de l'humain. Je laisse le mot de la fin à Gérald Deurel, qui écrivait ceci. « Beaucoup de gens pensent que la conservation consiste juste à sauver des animaux fluffy, pelucheux. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que nous essayons d'empêcher la race humaine de commettre un suicide. » voici avec notre invité, le dessinateur belge Franck P., passionné d'animaux de toutes sortes. Co-créateur des séries de bande dessinée Broussailles et Zoo, il a réinterprété les aventures de Spirou, de Little Nemo et plus récemment, celle du Marsupilami. Il vient nous présenter son travail toujours animalier et l'un de ses grands projets, l'Animalium. Bonjour Franck P. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans de nombreuses interviews un peu plus anciennes, vous avez toujours dit que vous avez été passionné par les animaux et ceux dès l'enfance. Je me demandais si à un jeune âge vous aviez déjà un contact privilégié avec les animaux. Est-ce que vous aviez des animaux de compagnie ou est-ce que dès que vous le pouviez, vous alliez au parc zoologique, au muséum, au cirque? Comment est-ce que vous aviez ce contact avec les animaux plus jeune? Ça a été un attachement par réaction. C'est-à-dire que c'est parce que ça me manquait que j'étais vert. Quand j'étais petit, comme tous les enfants, j'avais des livres avec des images d'animaux. Et je ne sais pas pourquoi, c'était dans des livres avec les voitures, les camions, les trains, machin, les animaux. Et c'était... Les pages avec les animaux étaient complètement déchirées, cornées, usées. Alors que toutes les autres étaient nickel, quoi. Et bon, déjà là, voilà. Mais j'étais tout petit, hein. Et puis, quand je voyais un vrai animal... Je devenais dingue. Mes parents me le répètent à chaque fois. Il y avait un cheval qui passait dans la rue et tu devenais fou. Il fallait qu'on te mette devant le cheval parce que sinon ça n'allait pas. Et alors quand j'ai pu aller au zoo pour la première fois, j'ai vu ces animaux en vrai que je connaissais par cœur de mes livres et tout à coup ça prenait une dimension extraordinaire. C'est comme si je voyais, j'amène toujours cette formule, mais c'est vrai, c'est comme si tout à coup Dieu m'apparaissait en personne. C'est comme si quelque chose de tellement important pour moi à cet âge-là m'était révélé dans toute sa gloire, sa vie, splendeur. Sa splendeur, son mouvement aussi. Hein. Il n'y a pas que la forme, il y a aussi le. Je me rappelle que ma mère aussi, alors il y a eu le zoo d'Anvers, mais il y a aussi. Une fois, en revenant du centre-ville de Bruxelles, on allait faire les courses tous les mardis après-midi, et il y avait un cirque qui s'était arrêté à Bruxelles. Ah, et ma mère m'a amené voir la ménagerie. Et c'était dans un cirque en dur, comme le cirque d'Amiens, enfin le hein, et les animaux de la ménagerie, à cette époque-là, il y en avait encore, hein, ça n'avait rien à voir avec maintenant, les animaux étaient dans une sorte de... De rotonde, de spirale en dessous de la piste, très très sombre, qui était prévu pour ça d'ailleurs, c'était un cirque en dur comme on les faisait à l'époque, et on est passé un moment devant les éléphants, et c'était des espèces d'énormes silhouettes qui bougeaient comme ça, et tout à coup j'ai vu une trompe se rapprocher dangereusement de moi, et dans l'effroi j'ai ressenti un choc de peur et de fascination en même temps, hein, comme tous ces moments où on est marqué par un truc. Et j'ai encore cette image au fond de moi, je devais avoir, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans. Voilà le genre de choc qui m'a marqué autour des animaux. Et après, j'ai pas arrêté de vouloir aller aux zoos, de vouloir passer mes après-midi de congé dans les ménageries de cirque et aller après dessiner dans les zoos, de vouloir... visiter un maximum de parcs animaliers, de voyager pour ça, de rentrer dans des associations professionnelles, de rentrer derrière les coulisses, d'élever des animaux moi-même. Enfin, voilà, il y a un fil comme ça qui s'est déroulé. Et qui ne s'est jamais arrêté. et qui connecte toujours avec la même chose, en fait. Mais c'est marrant parce que vous auriez pu vous contenter du beau et de l'image, mais un vrai animal, c'est différent. On met évidemment peu les mains dans le cambouis. Et c'est aussi, moi, ce qui m'intéressait avec vos différentes représentations. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant. Allez, si, soyons fous. Mais dans La Bête, par exemple, oui. Le premier volume qui est sorti fin 2020, où vous réinterprétez le marsupilami inventé par Franquin. Les gens pourraient dire que c'est sombre, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est qu'il y a une ambiance qui donc évoque la Belgique post-Seconde Guerre mondiale, donc avec des tons très gris, très noirs au début. Et ce que je trouve fascinant, donc comme on le disait, les humains sont un peu cartoon, ils ont des grands nez, des grandes expressions. Le marsupilami, lui, au contraire, il est très réaliste. Mais très réaliste dans le sens où c'est un vrai animal qui, quand on le trouve, est sale, pouilleux, qui pue. Il y a une scène aussi assez marquante où on le voit faire ses besoins dans une classe. Et je trouvais ça déjà original, parce que ça montre qu'un vrai animal, c'est un être vivant. Et quand j'ai lu ce passage-là dans le scénario de Zidrou, j'ai dit « Non, tu peux pas !» Mais si. Mais il a raison, il dit « Oui, oui, il doit faire une crotte, là, devant tous les mômes, qui tirent une tête. Ah, c'est dégueulasse !» Moi, j'ai trouvé ça très drôle, parce que déjà, on ne le voit pas dans une bande dessinée classique. Et puis, avec le marsupilami de Franquin, qui est très rond, très cartoon, très propre, au final, il ne se comporte pas du tout comme un animal de chair et de sang. Et je trouvais ça marrant. J'imagine que c'était surtout ça que vous vouliez retranscrire. Oui, l'animal, c'est aussi tout ce qu'on veut un peu cacher. On ne fait pas de prout à table, quoi. C'est ça. Et pour le marsupilami, là aussi, donc vous l'avez remodelé pour ressembler donc plus à des vrais animaux réels actuels. Comment avez-vous travaillé ? Vous êtes inspiré d'animaux réels ? Vous les avez associés pour recréer votre marsupilami ? Alors l'idée de départ, c'était donc effectivement de trouver le vrai animal qui aurait inspiré la caricature qu'est le marsupilami Franquin. Parce que lui... Il travaillait en dessin humoristique, un dessin pour raconter des histoires et faire rire aussi, ou sourire. Et il créait tous ses personnages, tout son univers directement en humoristique, parce que c'était son style à lui. Ici, il fallait remonter dans l'autre sens et imaginer quelle bestiole crédible aurait pu servir de modèle à cet animal-là. Ce n'est pas un exercice facile, d'autant plus que dans le cas du marsupilami, cet animal, si on l'observe 2 secondes, on voit que sa tête est un ovale écrasé horizontalement, qu'il a une énorme truffe, un peu comme le nez de Gaston au milieu de tout ça, et 2 énormes yeux qui prennent presque tout le visage, avec des sourcils qui dépassent au-dessus, qui sont dans le vide au-dessus de sa tête. Comment voulez-vous trouver un équivalent réaliste ? Ça n'existe pas. Et j'ai eu beau essayer de mettre un peu des poils et de marquer les pommettes et de faire des yeux plus petits, ça ne marchait pas. Et j'avais beau essayer, ça ne marchait pas. Parce qu'il fallait en même temps qu'on retrouve le caractère de l'animal, qu'on se dise en le voyant « Ah oui, ça c'est le marsu !» Donc il y avait un vrai travail à faire et j'ai calé dessus longtemps. Et à un moment, je suis tombé sur un crâne d'ours malais. Et l'ours malais a un crâne tout à fait ovale, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la pointe du crâne est un côté de l'ovale et le museau est l'autre côté. Et là, ça fonctionnait tout à coup. Et j'ai pris ça, puis j'ai pris... Je me suis dit, bon, le corps, on n'est pas loin du gibbon, du chimpanzé. Des grands bras de primate. Oui, et je voulais, comme je voulais forcer le côté animal... instinctif, la dégaine un peu, où il y a une puissance qui peut un peu faire peur, qui déborde un petit peu. Là. Un peu féline presque, des muscles assez saillants. Oui, comme un mâle chimpanzé, il est un peu inquiétant. Quoi. Ah bah, carrément, complètement. Parce que même s'il n'est pas fâché, s'il s'avance vers vous, vous comprenez bien qu'il ne faut pas rigoler. Quoi. C'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne, quoi. Ouais. Et là, il y a une vraie animalité qui parle. Et c'est, voilà, j'ai cherché les caractères, par exemple les poils sous les bras, les gibbons, quand ils lèvent le bras, ont un magnifique... Une aisselle garnie. Une aisselle en je sais pas comment on appelle ça, en éventail. Et ça donne une très belle silhouette d'ailleurs, hein, quand ils ont les bras comme ça accrochés à une branche, ça leur donne un torse très très beau. Et je me suis dit, ça, là, il y a quelque chose. Sauf que les poils, je ne vais pas les faire tout beaux. Non, ils vont coller, ils vont faire un drôle de truc. Et du coup, ça fait très animal. Voilà. Et tout à l'avenant. Et voilà, et finalement, ça fait un animal qui pue. Avant d'être lavé soigneusement, il retrouve Et encore, dans le tome 1, il est toujours limite. Il est un peu plus propre, mais bon. Mais dans le tome 2, il va devenir de plus en plus beau, de plus en plus royal. Et on terminera sur un animal en splendeur, quoi. Et bien, on a du suspense en attendant la sortie du deuxième tome. Et puis, pour la partie animale du marsu, ce que je voulais aussi trouver, c'était l'énergie, donc ce que dégage un corps, ce qui doit être toujours juste par rapport à la séquence, par rapport à l'action qui se déroule, hein. On doit sentir s'il est sur la défensive ou s'il veut s'avancer ou s'il est curieux. Bien sûr, on peut un peu forcer les expressions du visage, mais c'est quand même plus par le corps que je voulais que ça se traduise. Et puis les yeux. Les yeux, c'est très très important. Dieu sait si un animal s'exprime aussi par les yeux, avec tous les pièges qui vont avec, c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, espèce humaine, on a toujours tendance à interpréter les expressions d'un visage animal en fonction des nôtres. Des nôtres, ouais. Et on projette sur l'animal les émotions qui sont propres à notre espèce, exprimées par notre espèce. Combien d'erreurs d'interprétation sur les sourires, entre guillemets, d'un animal qui parfois les chiens notamment, exprime juste une agressivité et on croit qu'il sourit, quoi. Et on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on est... Je le fais moi-même. Et le sourire du dauphin, enfin tout ça, quoi. Ou les yeux de l'orang-outan qui est tellement triste. Oh, le pauvre. Mais non. Alors mais que non. Mais non. Il a juste des poches sous les yeux et puis voilà. J'ai été voir les gorilles de montagne dans les montagnes au Congo. Et si on ne prenait que les gorilles, on dirait, mais ils s'emmerdent, ils sont tristes, ils sont apathiques. Foutre, oui, mais qu'on les sauve, qu'on les sauve. Mais non, c'est leur vie ils naturelle, sont très bien normale. Comme ça, dans la brume, à manger leurs feuilles, ouais, il n'y a pas de problème. Voilà. L'expression des yeux, oui, mais il faut faire doser, gaffe, quoi. Oui. On vous laisse swinguer le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Egyptian Reggae tiré de l'album A Bientôt, sorti en 2003 des Pascal. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invité, le dessinateur belge Franck P, passionné d'animaux, dessinateur, co-créateur des séries de bandes dessinées Broussailles, Zoo, et il a repris Spirou, Little Nemo et le Marsupilami. Il vient nous présenter son travail et l'un de ses grands projets, l'Animalium. L'autre œuvre majeure de votre travail, on l'a un petit peu évoqué avant, c'est la série Zoo, scénarisée par Philippe Bonifay, qui met en scène plusieurs personnages qui vivent dans le zoo des Roches, en Normandie, à l'aube de la Première Guerre mondiale. On y retrouve Célestin, le directeur, le vétérinaire du parc, Manon, sa fille adoptive, un peu sauvage, Buggy, le sculpteur torturé, et Anna, qui est défigurée, qui y trouve un refuge, et bien sûr, beaucoup d'animaux. Bon, dans cette série, il y a quand même un petit peu tout ce que vous aimez. On va pas se mentir. Bah, on se fait plaisir aussi pour faire de la BD. Mais aussi, donc, quelque chose qui revient souvent, la plupart du temps, vous travaillez avec des scénaristes. Là, donc, Philippe Bonifay, vous avez travaillé avec Zidrou, avec Baume pour Broussailles. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une condition sine qua non? Vous vous arrivez en disant, vous me faites une histoire avec des animaux et moi je m'exécute. Comment est-ce que vous interagissez? Je pensais notamment pour Zo, parce c'est que c'est vrai que... C'est un peu plus compliqué que ça. J'imagine, et puis c'est un travail sur le long terme. Mais c'est vrai que... Pour tous mes projets, je viens presque toujours chez le scénariste avec une demande, parfois simple et légère, et parfois déjà très construite. Mais c'est un peu long à expliquer, mais travailler 2 ans sur quelque chose, si on n'est pas profondément motivé, c'est compliqué. C'est long. Oui. Donc il vaut mieux avoir une vraie raison de faire ce travail-là. Et comme, par chance, un vrai bon scénariste, il peut raconter une histoire avec à peu près n'importe quoi, c'est son job. Et même s'il est mis au défi, il va aimer ça. Ouais. Et je savais pourquoi j'allais vers Baume, je savais pourquoi j'allais vers Bonifay, je savais ce que je pouvais leur demander, qu'ils allaient très très bien faire Bonifay avec la psychologie des personnages, il a été formidable. Très beau travail. Ce que Zidrou fait avec les émotions, il est le pape de l'émotion, quoi, et c'est incroyable. Et de l'humour en même temps, enfin, c'est un scénariste hors pair. Et alors là, on commence donc à... J'amène ma demande. Et puis eux, évidemment, ils ont quand même leurs univers à eux. Donc on commence à tisser une toile à deux, qu'on élabore jusqu'à un certain point. Et puis je leur fais confiance, ils font leur job, et moi je fais le mien après. Mais entre-temps, on a une collaboration qui est terriblement enrichissante. Et ça n'a pas de prix. Je trouve que c'est tellement plus gai, plus riche de travailler avec quelqu'un de talent qui va amener tout son savoir-faire, son univers, sa sensibilité aussi, dans un truc très intime, hein, parce qu'on travaille sur des choses, des émotions, des trucs pas évidents parfois, hein, on doit discuter et se dévoiler, que de faire ça tout seul dans mon coin. Ben non, je préfère travailler avec quelqu'un. Et puis ce qui est très chouette aussi, c'est que quand on travaille des très bons comme ça, on peut se reposer sur la certitude qu'ils vont faire un bon travail professionnel et donc se consacrer sur sa partie à soi. Et je peux tout au long du travail me dire « Ah bon Dieu, quel bon scénario, j'ai confiance dans ce scénario et je vais donner le meilleur de moi en dessin. » Si moi j'avais fait le scénario, je serais tout le temps en train de le remettre en question et de me dire « Ah mais là j'aurais peut-être dû faire ce scénario, ce dialogue comme ça, et la séquence comme ça. » Donc ce serait beaucoup plus lourd et compliqué. Voilà. C'est encore un grand, grand sujet, on pourra en parler des jours. Je sais bien. Mais par exemple, pour Zo, vous êtes arrivé avec déjà ce projet de personnage un peu cassé par la vie, dans le parc zoologique, avec les interactions avec les animaux. Il y a aussi un côté très vie-mort. Moi, je trouve que c'est une œuvre assez bouleversante au niveau des émotions et des choses qui s'y passent. Ouais. Dans votre soupière de choses que vous vouliez tester, vous aviez déjà tout ça ou c'est aussi, alors, dans ma soupière, il y avait le zoo, évidemment, comme lieu très physique. Ouais. Mais qui a un rôle, hein, au final. C'est un personnage à part entière, le zoo. Oui. Avec ses odeurs, avec ses matières, avec Ses naissances et décès, ses intempéries, etc. Son esthétique, parce que c'est un zoo art nouveau, donc il est très très beau, avec ses fers forgés qui vont très bien avec la nature, tout ça. Et je voulais en faire une histoire à contrario de l'aspect physique du zoo. C'est quand même aussi le crottin, quoi. Ah bah, tout à fait. On voit Manon qui est toute jolie, qui pourtant, avec sa pelle, ramasse le crottin, nettoie les enclos des oryx, des autres animaux, ouais, complètement. Oui, et en opposition à ça, avoir une histoire qui tend vers le spirituel, qui pointe vers le haut. Et j'ai développé ça beaucoup à Philippe. Ce que je voulais dire avec ça, parce que quand je viens de dire spirituel, c'est un mot terriblement... Chacun peut y voir ouais, ce qu'il veut. Ouais. Et dans cette dialectique entre zoo terrestre et la verticale, il fallait expliquer. Et une fois que Bonnie a bien enregistré ça, il a tout de suite créé les 4 personnages, dont Anna, qui avait perdu son âme, à travers son nez, qui est aussi l'organe de l'horizontale, donc ça tombait très bien. Et les trois autres personnages, l'artiste évidemment, qui va lui retravailler l'âme, la sensibilité, la poésie, etc. Célestin qui est le scientifique finalement, celui de la connaissance. Et Manon qui est le petit animal femme qui fait le lien avec tout ça. Et voilà, ça c'est l'apport de Philippe, et puis il a mis toute la psychologie là-dedans. Lui, il n'est pas très spirituel, il est très psychologique. Et on s'est complété, en fait, on tirait chacun un peu la couverture, comme un couple dans un lit. Non, non, chacun sa couette. La couette doit aller de mon côté, moi je veux aller plus vers l'âme. Non, non, tu n'y comprends rien, le lecteur n'a pas aimé, il faut être plus psychologique et tout. Et finalement, ben, la couverture a tenu. Et on n'a pas eu froid. J'aime beaucoup la métaphore de la couette. Bon, c'est en tout bien tout honneur. Tout hein. À fait. Oui, oui, c'est une métaphore. Hein. Complètement. On parlait un tout petit peu. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai lu Zo la première fois, il y a une planche qui m'a marqué mais que je visualise toujours. C'est quand Anna arrive au Zo. Et qu'elle rentre dans cette grande verrière avec, il me semble que ce sont des touracos encore, qui s'envolent dans la lumière. Et il y a une pleine planche sans texte, où on voit juste les gens émerveillés sous la verrière, dans la volière des oiseaux. Et j'ai remarqué, parce que j'ai refeuilleté aussi Broussailles, etc., il y a quand même beaucoup, je trouve, de silence dans vos bandes dessinées. Il y a pas mal de planches où il n'y a pas de texte, où vous laissez le temps à l'ambiance, au silence, pour qu'il y ait de l'émerveillement, qu'il y ait aussi un travail un peu pour le lecteur. Et ouais, je trouve que pour ces, enfin, ça marche très très bien sur cette planche-là. Enfin, il y a vraiment, on a l'impression d'être dans le zoo, et on parlait de l'esthétique Art Nouveau, voilà, qui est très très beau, avec le fer forgé, etc. Et je trouve qu'il y a un rythme dans vos bandes dessinées qui font que ça laisse de la place à l'interprétation, que le lecteur peut se faire son sentiment à un moment donné, et ça va avec le récit. C'est ce qu'on appelle techniquement des cases ou des séquences muettes, comme on en a au cinéma aussi. Hein. En fait, le terme n'est pas très juste, parce que si c'est juste pour faire des cases où on ne dit rien, et où on laisse le lecteur travailler, bon, ok. Mais tout l'art, en fait, c'est de l'amener avant à installer quelque chose et puis d'ouvrir la porte pour qu'il fasse résonner ce qu'on lui a mis dans les mains avec son propre univers et, mieux encore, avec, je vais employer un grand mot, le mystère, avec un M majuscule. Et ça, c'est très important. J'ai employé le mot spirituel avant. Voilà, si on parlait tout le temps, si on était dans un film de Fellini, ce serait très difficile d'amener la notion d'âme et tout ça, parce que c'est des dimensions qui ne s'atteignent que dans le silence et dans l'intériorité. C'est pas pour rien que quand on fait une méditation, on s'assied, on ne bouge plus et on arrête de causer, et on essaye même de dire au cerveau arrête de causer, parce qu'il y a autre chose qui arrive. Et ben, une séquence muette bien conçue dans une BD ou un film, c'est exactement ça, c'est la même chose que dans une méditation bien menée, pour arriver tout à coup à non seulement une fenêtre qui s'ouvre, mais on ne sait pas ce qui va se passer à travers la fenêtre, si c'est une pie qui va passer, ou si c'est une grosse abeille, ou si c'est un nuage, ou si c'est un coup de vent qui va fermer la fenêtre, ou si... on ne sait pas. Voilà. Tout est possible. Tout est possible, et plus c'est réussi, plus on va avoir une émotion, on va avoir une surprise, on va être dans l'inattendu, et dans l'ouverture vers une autre dimension. Ça, c'est formidable. La poésie, c'est ça aussi. Hein. Ben, complètement. C'est tout à coup, tac, on change de niveau et on trouve plus grand que ce qu'on était en train de lire. Mais c'est, d'un point de vue technique, c'est pas facile aussi, parce qu'il faut ménager une espèce de rythme particulier qui va amener le lecteur, la lectrice, à avoir l'émotion que l'on attend au et moment c'est donné. Un beau métier. C'est un métier. C'est un beau métier. C'est formidable. Et c'est beaucoup de travail aussi. Et pour rebondir sur cette admiration de Anna quand elle arrive au zoo dans la bande dessinée, on a un peu évoqué les parcs zoologiques tout à l'heure, comme quoi vous en aviez visité beaucoup et comme quoi vous y alliez souvent. Vous avez aussi travaillé avec quelques parcs zoologiques. Je voulais savoir rapidement quelles avaient été vos missions. Est-ce que c'était des travaux d'illustration? Est-ce que c'était des travaux plus sur la scénographie des enclos? Qu'est-ce que vous aviez été amené à faire? J'ai un peu tout fait. D'accord. Un peu de tout. J'ai un peu exposé dans les zoos, j'ai un peu fait de la pédagogie, j'ai un peu fait de la com, j'ai un peu fait des animations artistiques au zoo de Montpellier, j'ai fait de la scénographie aussi pour Perry Daiza, même de la conception d'enclos un petit peu, mais en fait je n'ai jamais vraiment bien travaillé avec les zoos. Parce que c'est un monde, autant je l'adore parce que c'est un lieu où je rencontre mes chers animaux et où je rencontre la zootechnie qui est l'art de garder les animaux en captivité. Et je dis bien l'art parce que ça dépasse la science quand c'est bien fait, évidemment. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Encore au-delà de l'animal, c'est l'art de créer une bonne relation entre l'homme et l'animal, fût-il sauvage. Donc ce lieu du parc animalier m'intéresse fondamentalement, mais dans la réalité des parcs animaliers, et c'est le cas dans le monde entier, j'en ai vu de l'Australie aux États-Unis et de la Chine à la Tchéquie, enfin j'en ai vu partout, les zoos sont gérés par des scientifiques, et c'est heureux, parce que c'est eux qui savent faire, ou des gestionnaires de plus en plus, parce qu'ils doivent faire en sorte que les entrées aux caisses permettent de donner à manger aux animaux, quoi, en gros. Les gens qui disent que c'est des grosses entreprises afriques ne connaissent pas en fait ce monde-là et ne se rendent pas compte que les trois quarts du temps, ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte. C'est un truc de fou, en fait. C'est toutes les fonctions qu'on trouve autour d'un parc animalier, en un seul lieu, concentré là-dedans, tous les métiers qui doivent travailler pour que ça puisse... ça reste à flot. À flot et que ça fonctionne, c'est énorme. Ça aussi, c'est passionnant. Et donc, je ne sais plus où on en était, quelle était la question. Sur comme quoi vous aviez eu du mal à bien travailler avec les parcs zoologiques. Oui. Parce que, c'est ce que vous alliez me dire, comme quoi il y avait un décalage entre ce que vous venez chercher et ce que vous avez pu y trouver. C'est vrai. Il y a ce décalage-là que j'ai ressenti. Parce que souvent j'ai proposé des choses et en fait ils ne voyaient pas trop l'intérêt, ils ne savaient pas comment travailler avec moi, ils étaient très embêtés en fait, alors que moi j'étais très ouvert, très dispo, passionné par leur travail, donc prêt à tout, ils ne s'en rendaient pas compte quoi. Et puis à un moment, mais là on va peut-être en parler aussi, ce sera une question, j'ai par un tout autre biais, petit à petit imaginer un projet de parc zoologique, mais qui est très différent. Et là, on n'est plus dans la biologie uniquement, on n'est plus dans la gestion, encore moins, quoi qu'elle est nécessaire, on est dans autre chose. Et c'est mon projet Animalium, et qui reprend des couleurs actuellement. Alors justement, ce projet Animalium, c'est un projet qui vous occupe depuis plusieurs années, même 15 ans. Dizaines d'années, c'est ce que j'allais dire. Vous avez lancé un premier financement participatif, c'était en 2016. Et donc, quelle est votre vision du parc? En quoi est-ce que ça serait un parc zoologique différent des autres? Qu'est-ce que vous voulez y instiller qu'il n'y a pas ailleurs? Alors tous les parcs, comme je le disais, sont non seulement gérés par des scientifiques, mais ont un discours vis-à-vis du visiteur qui est scientifique. C'est normal, c'est ce qu'on s'attend à trouver. On parle d'animaux, donc on a un discours de biologie. Mais au résultat, ça veut dire qu'on est à l'école, quoi. On a des chiffres, on a des cartes de géographie, on a des descriptions... On a des comportements, on a de la culpabilité sous forme sigles qui nous montrent à quel point il est en voie de disparition et à quel point on doit donner de l'argent pour le sauver. Tout ça est très bien, je veux dire, c'est essentiel et il faut continuer comme ça parce que c'est vrai, tout ça est vrai et ça fait partie de la connaissance qu'on doit amener aux gens pour qu'ils... gardent ce lien avec la réalité animale. Puis qu'ils y soient sensibles aussi, c'est vrai que... Et qu'ils y soient sensibles, oui, qu'ils soient touchés par ça, et puis qui continuent à se rendre compte qu'ils ne sont pas une seule espèce sur Terre, qu'ils doivent cohabiter. Mais moi, mon idée, mon envie, qui est venue petit à petit, hein, qui s'est éclairée, et puis j'ai pendant des années déplacé le projecteur. J'ai essayé de chaque fois éclairer autrement, mieux, en explorant des nouvelles pistes, et finalement ce projet s'est non seulement précisé, mais agrandi, et est devenu quelque chose de très original, et je pense très pertinent. Si je me permets de le dire, c'est pas parce que c'est mon idée, mais c'est parce que chaque fois que je le raconte à des professionnels, qu'ils soient du monde des eaux, du monde des arts, du monde de la bande dessinée, du monde des affaires, ils me disent « c'est génial, il faut le faire ». C'est une bonne idée, donc. Je crois que c'est une bonne idée. Franchement, je crois que c'est une bonne idée. Et l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est de parler des animaux qu'on a en face de soi, non pas avec un langage scientifique, mais avec un langage qui va mettre en avant tout le sensible qu'on peut avoir avec l'animal ou devant l'animal. C'est-à-dire que je vais utiliser les arts pour regarder l'animal. Je ne vais pas avoir ce discours de biologiste, je vais avoir le discours des artistes, des sculpteurs, des peintres, des bédéastes, des dessins animés, des livres pour enfants, de tous les arts, toute création artistique, des civilisations passées, anciennes, de tous les continents. Dieu sait si on a produit des choses avec des animaux, les masques africains, oui. les chevaux chinois, des baroniers, ouais. Les jaguars, incas, enfin, c'est d'une richesse extraordinaire. Walt Disney, enfin, ah bah, largement. Et on n'a jamais rien fait avec ça. Bon Dieu. Donc je me suis dit, comment faire quelque chose qui va développer ce regard-là et amener à quelque chose d'intéressant. Et en mettant tout ça sur la table, je me rendais compte que ça ne suffisait pas. Il manquait un élément. Parce que si on met, d'ailleurs on le voit dans les parcs animaliers, il y a des œuvres dans les parcs animaliers, il y a des sculptures, voilà. Mais les gens vont tout de suite vers le vivant, parce que c'est ça qui attire, c'est normal. C'est le vivant qui attire le gamin, c'est pas un truc en métal en bois, qui bouge pas. Et donc il fallait une troisième idée qui va faire le passage de l'un à l'autre. Et cette idée, c'est de la scénographie, et je ne vais pas la développer ici, puisqu'il faudra venir visiter le parc, mais ça va être une partie de plaisir, je ne vous dis pas. ça donne envie, en tout cas. Et donc, je vais me permettre de demander, et le projet, alors, du coup, où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors, ça fait 15 ans que j'ai commencé, un petit 10 ans que j'ai vraiment voulu le faire concrètement. C'est une vraie folie. Parce c'est un projet de grande ampleur. J'ai ni terrain, ni fortune, absolument pas. Je ne suis pas dans le monde des affaires, je ne suis pas préparé à faire ça du tout. Je suis un petit dessinateur de BD, vous imaginez, derrière sa table toute la journée, tout seul. Mais ça m'intéressait d'aller vers ça, parce que c'est aller d'un monde imaginaire vers le réel avec de l'imaginaire. Donc là, tout à coup, ça donne une dimension à son travail intérieur qui va dans le vaste monde et qui peut prendre beaucoup plus d'importance et rayonner vraiment. Donc c'est passionnant à faire. Et bon, j'ai fait mon apprentissage en chemin. J'ai eu des équipes, j'ai fait des crowdfunding, j'ai eu des terrains, j'ai eu du travail avec des architectes, avec des financiers, avec tout ça. Avec des localités aussi, vous avez rencontré des maires. Des terrains, oui, alors avec des politiques et tout ça. À plusieurs reprises, il y a eu des projets qui sont arrivés, et chaque fois, ça a capoté. Ça n'avait rien à voir avec le projet en lui-même. C'est pas parce que le projet n'était pas bon, c'est parce que le monde est compliqué et que c'est un projet très difficile à mener. Et qui est original, les gens ne savent pas forcément oui. à quoi s'attendre aussi. Et il faut trouver, pour un projet difficile, il faut un petit miracle. Mais pour un projet comme l'Animalium, il en faut 4 ou 5, en fait. Et ça n'est pas du quotidien. Il faut trouver la bonne conjonction, les bonnes personnes, la bonne personne au bon moment, au bon endroit, enfin, c'est le truc magique, quoi. Je l'ai frôlé plusieurs fois, mais ça n'a pas pu aboutir. Et là, je suis très enthousiaste parce que après, je dirais 5 ou 6 ou 7 ou 8 démarrages. Qui à chaque fois remettre le projet sur Pour recommencer, quoi. Parce qu'il faut chaque fois s'adapter aux nouvelles conditions. L'animalium sur 2 hectares, ça ne va pas être l'animalium sur un grand terrain de 15 hectares, ou sur un terrain très pentu, ou rocher, ou dans une ville, ou dans la campagne. Enfin, il faut chaque fois tout reprendre à zéro, en fait. Et donc là, maintenant, la dernière configuration, c'est la meilleure que j'ai jamais connue, avec des gens, avec un groupement qui est extrêmement qualifié et qui sont motivés comme moi. Et là, j'ai très grand espoir que ça se fasse parce que toutes les étoiles sont alignées, là. Bon, ouais. On va toucher du bois et croiser les doigts. Ouais. Et le crowdfunding, en fait, finalement, il a servi à un projet qui a capoté pour des très mauvaises raisons. Finalement, ce sont des anti-zoos qui ont bloqué le projet d'une manière complètement idiote. Ils savent rien du tout des parcs animaliers et ils bloquent avec des concepts moraux qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc on ne peut même pas discuter, puisqu'ils sont convaincus qu'ils ont raison sur des trucs moraux qui ne sont pas vrais. Donc il n'y avait pas d'échange possible du tout. Je les ai rencontrés, c'est lamentable, quoi. Désolé pour vous. Et puis c'est frustrant de se dire que c'est un projet quand même qui a été mûrement réfléchi. Et puis vous avez, je ne sais pas si on ne l'a pas encore évoqué, mais vous avez visité beaucoup de parcs zoologiques, vous êtes en contact aussi avec des gens qui gèrent des parcs zoologiques. Ah oui, je peux faire la part des mauvais trucs et des bons trucs. C'est ça, vous avez eu un vaste éventail de ce qui existe, donc vous avez creusé votre sujet, quoi. C'est pas comme si vous aviez une lubie un beau matin. Évidemment, si on part du principe que c'est totalement amoral et impossible de mettre d'avoir un animal en captivité et qu'ils doivent tous vivre dans la nature, mais surtout super heureux comme dans les films de Walt Disney, y a plus moyen de discuter parce que dans la nature, les animaux, ils meurent, ils sont malades, ils sont chassés, autant qu'ils regardent un coucher de soleil. C'est une vie dure quand même. Mais oui. On a tendance à l'oublier parce que avec les médias, on montre souvent des choses mignonnes, mais c'est compliqué. En réfléchissant à ça l'autre jour, je me disais, mais au fond, quand moi j'étais jeune et que j'allais au zoo, la conception de la captivité était une vraie erreur. C'est-à-dire que on mettait l'animal en cage et on avait l'impression de faire une bonne action parce qu'on le protégeait. On le sauvait de son milieu naturel. On le sauvait de l'agressivité naturelle. On allait le soigner, on allait le nourrir et on allait faire copain-copain avec lui. Donc, toutes des bonnes raisons pour lesquelles, pour un animal capturé, si on faisait bien son boulot, ce qui n'était pas toujours le cas, on est d'accord, et des connaissances sur le comportement animal étaient... Comment les nourrir, rien du tout. Et donc, on nourrissait... Au début du XXe siècle, on donnait des hamburgers aux gorilles, c'était catastrophique. Mais bon, ils croyaient bien faire, je dis bien, c'est une conception erronée, mais ils croyaient bien faire en mettant les animaux en cage, parce que, quelque part, on leur donnait plein de chances qu'ils n'avaient pas dans la nature. Erreur. Maintenant, on refuse de mettre tout animal en cage, et de toute interaction avec l'homme, parce qu'on croit que dans la nature, tout va hyper bien se passer, et que moins on s'intéresserait à eux, ou de très très loin, mieux ça vaudra. Dans un monde où on est en train de tout polluer, tout foutre en l'air, et de rendre leur vie désastreuse, quoi. Double erreur. Les deux sont des conneries, et la vérité est quelque part entre les deux, et la première vérité, c'est que, et de tout temps, il y a eu des interactions entre les hommes et les animaux. Il faut le faire avec science et conscience. Et un peu comme un apprenti sorcier, c'est-à-dire une humilité qui fait qu'on a toujours à apprendre, toujours à améliorer et à avancer là-dedans et le faire le mieux possible, mais vraiment, y compris moralement. Complètement. Les anti-zoos n'ont pas le monopole de la moralité sur les animaux, vraiment pas. Pour moi, c'est ceux qui s'occupent des animaux qui sont les plus proches de ces vérités-là. Ce n'est pas ceux qui rêvent dans leur salon en se disant « Mon Dieu, quelle horreur !» Non, qu'est-ce qu'ils y connaissent? C'est le mec qui soigne des rhinocéros et qui les connaît vraiment bien et qui a l'honnêteté de critiquer tout ce qui se passe. Et c'est souvent comme ça aussi. Et c'est un domaine où on a fait d'énormes progrès et c'est pas fini. Eh ben, en tout cas, c'est vrai qu'on a hâte de voir le projet de l'Animalium prendre corps et de pouvoir le visiter en vrai et voir toutes ces scénographies, ces expositions qui s'annoncent assez passionnantes. Un très grand merci à Franck P pour sa gentillesse et sa disponibilité. On lui souhaite le meilleur pour tous ses projets animaliers. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller un podcast et quelques ouvrages. Si les programmes de conservation en parc zoologique et les étranges animaux présentés dans la chronique vous ont intrigué, je ne peux que vous conseiller le podcast « Animaux sauvés » réalisé par Raphaël Lambert de la chaîne YouTube Antenne Zoologie. Via un format court de 7 à 10 minutes, bien rythmé, Raphaël nous donne des bonnes nouvelles et nous présente les animaux sauvés de l'extinction par la volonté farouche et la collaboration de gens passionnés. Et en ces temps un peu déprimants, ce sont de bonnes nouvelles qui donnent la pêche. De la bigogne au pigeon rose de l'île Maurice en passant par le bouquetin des Alpes, le gypaète barbu, l'oryx d'Arabie ou le poisson tequila, vous ressortirez de l'écoute de ces émissions avec le sourire aux lèvres et la sensation que tout n'est pas totalement foutu. Vous pourrez retrouver son podcast sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Deezer. Je vous mets le lien en description de cette émission. J'aimerais ensuite vous conseiller une bande dessinée qui met justement à l'honneur plusieurs projets de conservation menés par le bioparc de Douai-la-Fontaine, en Anjou. Il s'agit de l'ouvrage collectif « Des animaux et des hommes » qui vient de paraître aux éditions Petit à Petit. Ce beau bébé de près de 130 pages est scénarisé par Gaetz grâce au récit de Pierre Gay, président du Bioparc et coordinateur des projets nature. L'ouvrage présente 18 de ses 40 projets soutenus par le parc. Ces 18 projets sont illustrés par 6 illustrateurs et illustratrices qui travaillent tous en couleur directe à l'aquarelle, ce qui donne un côté carnet de voyage au livre tout à fait réussi. Chaque projet se picore petit à petit et comporte 6 pages, 3 pages explicatives sur le projet et 3 pages de BD. On retrouve la patte d'Olivier Martin, Joël Alessandra, Simon Huro, Geneviève Marot, Adan et Titouane. La couverture de l'ouvrage est réalisée par Franck P., notre invité. Outre la beauté des dessins, la BD met en avant les acteurs locaux qui se débattent sur place pour que ces projets aient du sens et viennent en aide aux habitants. On y apprend que l'augmentation du rendement des rizières à Madagascar contribue à la réintroduction des varirous, qu'une plaquette de chocolat pourrait contribuer à la sauvegarde du singe araignée en Équateur, que l'on ne peut espérer sauver la panthère des neiges sans soutenir les éleveurs et encourager le commerce de produits locaux en laine, ou encore que l'utilisation de ruches mélipones propose une réelle alternative économique à l'exploitation de la forêt en Bolivie, où vit l'ours à lunettes. Un très bel ouvrage qui redonne un peu d'espoir et de foi en l'humanité. Enfin, et pour conclure, j'aimerais vous conseiller la lecture des bandes dessinées de notre invité, Franck P. Difficile, bien sûr, de n'en choisir qu'une seule série dans sa riche bibliographie, mais je vais arrêter mon choix sur la première série que j'ai découverte et lue alors que j'étais adolescente, la trilogie Zoo, scénarisée par Philippe Bonifay. Alors que la série s'ouvre sur l'histoire tragique d'Anna, martyre russe défigurée par la violence de la guerre, on prend plaisir à découvrir le Zoo des Roches, un havre de paix en Normandie où vivent Célestin, le vétérinaire, sa fille adoptive Manon, impulsive et sauvage, et Buggy, le sculpteur tourmenté. Tous les quatre vivent dans un décor de rêve, chef-d'œuvre art nouveau de verre, de métal et de roche, accompagné d'une faune luxuriante et amicale. Touraco, oryx, koudou, saïmiri, panthère nébuleuse et autres ours à collier font partie de leur bestiaire. Leur destin sera cependant chamboulé irrémédiablement par la grande marche de l'histoire. Nous sommes en 1914 et la Grande Guerre sonne à leur porte. Outre le dessin animalier virtuose de Franck, le travail incroyable sur ses couleurs, on est emporté, bouleversé par la trajectoire de ses personnages, écrasé par des événements qui les dépassent. Une œuvre unique qui ne peut laisser indifférent.